brevet n'est une professionnelle. Depuis le mois de juin, 7 mois déjà. Ma mère l'a encadré, me l'a donné. Sur un mur, je l'accrocherai. J'ai été au monde du sang avec Coralie. Nous n'avons rien pu lui prélever. Oui, madame prend trop de cachets. Oui, mais papa est incarcéré. Comment les choses peuvent-elles se passer si vite? Il y a 10 minutes, je mangeais des frites. Je buvais du jus de raisin dans un hôpital. Désormais, j'ai ma guitare entre les mains dans ma chambre. Tout seul. Dans ma chambre. Tout seul. Et je chante. La la la la la la la. La la la la la la. La la la la la la. Love.